Bonjour cher Emmanuel et bonjour à vous qui êtes sur le point de prendre un peu de repos. Pascal vous met en garde. Puisque la condition de l'homme est, nous dit Pascal, l'inconstance, l'ennui et l'inquiétude, puisque l'homme et la femme ne sont que vanité, misère et ignorance, êtes-vous vraiment sûr de vouloir fermer les yeux et de vous retrouver seul face à vous-même? Écoutez plutôt. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement et sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Bonjour Laurent Thirouin. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Cette chanson n'est pas une blague, même si on a du mal à imaginer Pascal sifflotant, malgré le tableau sombre et misérable qu'on a entendu, hein, qu'il brosse de la nature humaine. Vous êtes ici ce matin pour défendre un Pascal joyeux. Est-ce que parce que Pascal vous met en joie ou parce que cet adjectif qualifie le caractère de Pascal? Peut-être que votre première suggestion est bonne, parce que moi je suis entré, quand j'ai commencé à travailler sur Pascal, ça a été à travers le jeu et les joueurs. Donc je voulais travailler sur ces objets-là, et puis je savais que vaguement que Pascal avait touché au jeu. Et c'est Pascal est un auteur, quand on commence à tirer un fil, on peut plus s'arrêter. Donc je suis resté dans Pascal, mais pour moi c'était d'abord un joueur, quelqu'un qui avait pensé avec les catégories du jeu. Et puis quand je le lis, et particulièrement quand je me sens un peu déprimé, lire un peu de Pascal me redonne de l'euphorie. Donc probablement c'est une expérience de lecteur. Je trouve qu'il y a quelque chose de jubilatoire dans Pascal. Et comment vous expliquez ça? Je partage absolument votre point de vue, votre ressenti, mais comment vous l'expliquez? Comment un texte aussi désespérant peut-il autant réconforter? Alors on est encore dans l'écume des choses, mais je crois d'abord à cause de son extraordinaire intelligence, c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'intelligence est telle qu'elle fait rire. Quand quelqu'un, on le voit dans les provinciales, quand quelqu'un arrive à mettre de l'ordre, de la logique face à toutes les tricheries, à tous les à peu près, on a un moment de jubilation. Et même des textes qui n'ont rien ni de drôle ni de sinistre, comme des petites considérations géométriques ou mathématiques, je suis pas du tout un géomètre, un mathématicien, mais quand c'est Pascal qui écrit, j'ai le sentiment de comprendre deux, trois choses, il me prend par la main, et je m'en sens réjoui. Je crois que Pascal est un de ces auteurs, il n'y en a pas tant que ça, qui vous donne le sentiment, qui vous rend intelligent. Donc, ça fait plutôt plaisir. C'est sans doute aussi dû à son talent littéraire. Je précise, parce que je ne l'ai pas encore fait, Laurent Thirouin, que vous êtes professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'Université Lumière Lyon 2. On peut lire de vous deux ouvrages consacrés à Pascal, dont vous êtes déjà venu parler à ce micro d'ailleurs. Et vous êtes donc le seul littéraire, si j'ose dire, de mes invités cette semaine. Et ça change sans doute l'approche que vous avez de Pascal. Oui, mais je vous remercie de laisser comme ça une place à l'approche littéraire. Pour Pascal, aujourd'hui, d'abord, la différence a moins lieu d'être parce qu'il est loin le temps où Pascal était considéré comme un sous-auteur, pas assez conceptuel, qui était réservé à des esprits, je dirais, un peu limités. Les vrais grands philosophes allant vers de la philosophie ultra-conceptuelle, alors que Pascal est en fait, à sa manière très conceptuelle, il fait de la philosophie autrement. Je crois que c'est bien parce que tout le monde en est convaincu. Maintenant, il n'y a plus à le prouver. La preuve, la place que vous lui faites si heureusement dans les chemins de la philosophie à plusieurs reprises. Mais ce qui me frappe quand je discute avec des philosophes, ce qui est assez fréquent, c'est qu'ils ont toujours, et c'était peut-être un peu vrai d'ailleurs de vos invités toute la semaine, parmi toutes les choses très justes qu'ils ont dites, j'avais un peu le sentiment que Pascal était était un auteur d'idées qui, on pouvait parler de l'augustinisme de Pascal, du jansénisme de Pascal. Donc on arrivait toujours à trouver un certain nombre de ismes. Et moi, pour moi, c'est d'abord un problème de liasse, de papier, d'ordre. C'est quelqu'un qui, d'après les témoignages qu'on a, n'écrivait pas tout de suite. Il laissait dans sa tête, il laissait mûrir, il jetait sur des bouts de papier éventuellement. Il attendait d'avoir un plan. Il savait très bien que le plan, il le trouverait en dernier. Pascal, c'est le penseur inverse de celui qui construit un plan et qui après l'habite. Il cherche, il pense, il trouve des formules. Des fois, il jette des formules qui lui plaisent. Pour nous, c'est un peu énigmatique. Hein. Talon de soulier. Bon, il marque talon de soulier parce que il faut qu'il se rappelle qu'il doit parler talon de soulier. Puis après, c'est à nous de voir quel est le contenu philosophique qu'il peut bien y avoir derrière talon de soulier. Ou celui qu'on cite volontiers, c'est le bec du perroquet, qu'il essuie quoi qu'il soit sec. Bon, Pascal avait quelque chose à faire avec les perroquets. Il nous a pas dit quoi. Mais lui, il voulait marquer je dois parler des perroquets ici. Voilà. Et donc, il jette des idées, il jette plutôt des formules, et plus tard, ça devrait prendre. Ça devrait aboutir à quelque chose. Malheureusement, il n'y a pas eu plus tard. Enfin, pour les pensées, mais il y a certains textes qui sont beaucoup plus aboutis. Le traité du vide et l'esprit géométrique. En tout cas, il y a une préface au traité du vide. Il y a quand même un agencement. Mais tous les textes, y compris les plus aboutis, sont lacunaires. Et même les provinciales, qui est l'œuvre qu'on pourrait penser finie, on a des fragments d'une 19e provinciale. Voilà. La préface du traité du vide, qui est un texte somptueux. Quand on le lit, on a 3 lignes sautées, 2 lignes sautées. C'est l'ébauche d'une préface, mais les ébauches de Pascal valent les traités de beaucoup d'autres personnes. Puisque vous parlez du rapport qu'entretient Pascal avec ses liasses, ses papiers et ses pensées, voici la voix de Louis Lafuma. C'était en 1956 dans l'émission Thèmes et controverses. Louis Lafuma fait partie de ces personnes qui ont contribué à classer les pensées de Pascal et qu'on peut lire en différentes éditions. On va y revenir. Il y a l'édition Brunswick, l'édition Cellier et l'édition Lafuma. Écoutez-le parler de la méthode de travail de Pascal. Contrairement à ce que l'on croyait depuis 300 ans, Pascal prenait ses notes sur des grandes feuilles de papier et non sur des petits bouts ou le premier papier qui lui tombait sous la main. Si l'on a trouvé dans sa chambre, après sa mort, tant de petits bouts de papier, c'est qu'il avait découpé ces grandes feuilles. S'il les a découpées, c'est qu'il avait l'intention de les classer en vue de l'ouvrage sur la religion qu'il préparait. Puisque Pascal nous a laissé un classement assez poussé, qui retient plus de 50% des fragments écrits en vue de son ouvrage, c'est ce classement qu'il faut consulter pour interpréter les textes. On ne perd pas de vue le Pascal joyeux, hein, Laurent Thiroin, qui va nous accompagner aujourd'hui, mais quand même, c'est très important cette question d'édition. Avec laquelle travaillez-vous de votre côté, Laurent Thiroin ? Moi, je travaille avec l'édition de Philippe Cellier. Et quelle différence ? Notes de Gérard Ferrérol, celle qui est en livre de poche et qui est très, très accessible. Alors, en fait, on est assez près de la question du Pascal joyeux, bizarrement, parce que très longtemps, on a lu Pascal dans une édition qui avait l'avantage d'être très intelligente, très accessible, qui mettait un peu d'ordre dans le bazar pascalien. C'est l'édition de Léon Brunswick, qui est encore parfois citée par certains philosophes qui aiment Léon Brunswick parce que il y a des chapitres où les pensées s'organisent. Donc ça commence par des pensées sur le style. Et puis, après, la deuxième section s'intitule Misère de l'homme sans Dieu. Et c'est la plus grande section de Brunswick. C'est-à-dire qu'il y a, sauf erreur de ma part, il y a 123 fragments qui sont dans le chapitre « Misère de l'homme sans Dieu ». Donc Brunswick, qui était un philosophe, un homme d'idées tout à fait capable de classer des idées, s'est dit « puisqu'on n'a pas la moindre idée de ce que Pascal allait faire, ne cherchons pas à nous substituer à Pascal et mettons de l'ordre ». Et donc il a mis de l'ordre et il l'a fait très intelligemment. C'est normal que son édition ait eu toute l'importance qu'elle a eue. Mais donc, qu'est-ce que c'était pour lui mettre de l'ordre ? Eh bien, mettre au début toutes les pensées un petit peu méthodologiques sur le style, sur l'ordre. Puis dans un deuxième temps, un gros moment, c'est le moment misère de l'homme. Et puis après, on avancera vers les questions religieuses. Le problème, c'est que c'est pas du tout ce que Pascal avait fait. Mais sait-on ce que Pascal voulait faire ? Je suis très heureux d'entendre la voix de Lafuma. Depuis je ne sais combien d'années que je travaille sur Pascal, je n'avais jamais entendu la voix de Lafuma, mais Lafuma est une espèce de phare quand même, c'est une date, parce que il a pris au sérieux après Turner, mais enfin, il est quand même celui qui a vraiment compris que le désordre dans lequel on avait trouvé les papiers de Pascal à sa mort, dont on nous dit que, dans un premier temps, on l'avait recopié tel quel, eh bien, ce désordre n'était pas vraiment un désordre. Ou plutôt, c'était un ordre très bizarre qu'on pouvait prendre pour un désordre. Je m'explique. Pascal avait enfilé un certain nombre de ses petits textes, après les avoir découpés, il les avait enfilés dans des liasses. Liasses auxquelles il avait donné un titre. Alors, c'est pas vrai pour la totalité des pensées de Pascal, c'est vrai, disons, pour la première moitié. Jusque-là, on dit pourquoi pas. Mais quand on regarde ces liasses, et depuis La Fuma, je trouve qu'on l'a pas assez fait. C'est-à-dire qu'on lit La Fuma, Sellier, Michel Le Guerne en Pléiade, donc tous des gens qui ont suivi cet ordre des liasses, mais ils font comme si c'était pas en liasses, très souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde les liasses de Pascal, on voit d'abord qu'il y a un chapitre qui s'appelle « Misère », un chapitre, faut pas dire chapitre, il y a une série qui s'appelle « Misère », une série qui s'appelle « Vanité ». Alors généralement, on met tout ça dans le même sac, hein. « Misère »,« Vanité », c'est du Pascal sinistre. Voilà. Et puis, quand on continue, on voit un titre qui est un petit peu mystérieux, « Raison des effets », et puis « Grandeur ». Donc il y a une chose déjà qui saute aux yeux, dès qu'on regarde la table des titres de Pascal, c'est qu'il avait réservé un moment à la grandeur. Quand on lit dans Brunschvic, et on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour la grandeur. On a l'impression que Pascal va nous déprimer. En fait, l'idée qui me choque, c'est celle-là. C'est que Pascal est un auteur génial. En trois mots, il arrive à vous mettre par terre. Il consonne avec l'état dépressif qui est latent en chacun de nous. Il donne même à cet état dépressif une certaine forme littéraire, parce que tout le monde n'est pas déprimé comme Pascal, quand même. Ça peut être. On n'est pas aussi talentueux quand il est déprimé. Aussi, voilà, oui. C'est ça, exactement. Et bon, donc on est content d'une certaine façon de ce Pascal sinistre, ce Pascal magnifiquement sinistre, et que Pascal, après, une fois qu'il nous aurait bien abattus, arriverait en nous disant « Mais ne pleurez pas, j'ai la solution, vous savez, il y a Dieu, il y a la religion, il y a le christianisme. » Et ça, c'est grotesque. Enfin, c'est désolant, cette idée que le christianisme viendrait, ça c'est le cas de dire comme un deus ex machina, hein, il viendrait pour résoudre un problème. Enfin, c'est petit comme façon de prendre les choses. Et je me demande si ça traîne pas souvent dans la tête des gens qui lisent Pascal. Et souvent d'ailleurs, ils laissent tomber la partie religieuse en se disant « c'est pas ma tasse de thé, et je vais en rester » au Pascal somptueusement sinistre, qui est le Pascal de la misère. Voilà. Or, Pascal a classé différemment. Il a réparti ses pensées d'une autre manière. Oui, parce qu'on peut lire donc l'ordre, ce qu'on appelle les papiers classés dans les éditions qui sont disponibles, c'est l'ordre voulu par Pascal. Ordre, vanité, misère, ennui, raison des effets, grandeur, contrariété, divertissement, voilà. Philosophe, le souverain bien, etc. Voilà. Alors, il faut pas dire, on n'en sait rien, il faut pas dire que c'est un plan de ce que Pascal aurait fait, on ne sait même pas ce que Pascal aurait fait. Non, mais ça montre qu'il n'y a pas une progression de la tristesse vers la joie. Ça montre que Pascal, ce qu'on peut dire, ce que La Fuma a mis en lumière, et qui maintenant me semble acquis, sauf par des personnes qui ont vraiment... essaye de lutter contre les évidences, il y en a quelques-unes. Donc, ce qui est acquis, c'est que Pascal a écrit sur des grands papiers, comme le disait La Fuma, et à un moment, il a découpé ses papiers parce qu'il jetait ses pensées en désordre. Et il les a rassemblés. Il les a rassemblés, non pas pour faire un plan, mais comme des espèces de familles de pensées. Mais quand on veut regarder ce classement, hein, ce qui est le plus juste à dire, c'est un classement, et on voit que c'est un classement extraordinairement bizarre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout le classement qu'on aurait fait. Moi, si j'avais dû classer Pascal, les pensées, si j'avais été aussi malin que Brunschvic, j'aurais fait Brunschvic, naturellement. Il n'y a pas de raison de dire du mal. Or, Pascal n'a pas fait Brunschvic. Pascal a classé les choses très différemment. Par exemple, il a fait une liasse divertissement, donc on s'attend à ce qu'il ait mis tous les textes de divertissement, qu'il les a enfilés dans la liasse divertissement. Eh ben non. Il met des papiers divertissement dans l'alias misère, dans l'alias raison des effets, dans l'alias philosophe, il en met de partout. Et en plus, les pensées qui sont les pensées sinistres convoquées habituellement quand on parle de Pascal, il les a réparties dans misère et dans vanité. Pourquoi? Quelle est la clé? Qu'est-ce qu'il y a dans vanité qui est différent de misère? Donc c'est des questions... Voilà, c'est des questions que j'appellerais des questions littéraires. C'est-à-dire, c'est pas des questions qui se désintéressent du tout du sens des pensées. C'est pas des idées qui sont derrière. Mais c'est des questions qui partent de l'idée que les idées ne planent pas et qu'elles ne trouvent pas des mots pour se mettre, qu'il y a d'abord des mots et que c'est ces mots qui suscitent du sens. Voilà. D'accord pour l'ordre des pensées, ouais. Laurent Thirouin, mais quand même, j'ai lu la liste des thèmes qui sont abordés, auxquels Pascal que Pascal a choisi comme titre à ses pensées. On ne trouve pas le mot joie. Vous parlez d'un Pascal joyeux. Où est la joie dans les pensées de Pascal? Bon, je ne veux pas botter en touche. Est-ce que vous me permettez juste de citer encore un texte? Mais je vous en prie. Bon, parce qu'il est très, très connu. Il est très souvent cité. Mais c'est un texte extraordinairement paradoxal. Je ne suis pas sûr qu'on en mesure la gravité. C'est le texte sur la paume. Vous savez, Pascal dit qu'on ne dise pas que je n'ai rien dit de nouveau, la disposition des matières est nouvelle. Quand on joue à la paume, c'est une même balle dont joue l'un et l'autre, mais l'un la place mieux. Voilà, on le cite souvent. On oublie la deuxième partie du texte où Pascal dit « J'aimerais autant qu'on me dise que je me suis servi des mots anciens. Comme si les mêmes pensées ne formaient pas un autre corps de discours par une disposition différente. Aussi bien que les mêmes mots forment d'autres pensées par leurs différentes dispositions. » C'est-à-dire que Pascal dit, enfin, il revendique, d'abord c'est très bizarre, il revendique l'originalité. C'est pas trop ce qu'on fait au XVIIe. Donc il dit qu'on ne m'accuse pas de répéter. Pourquoi? Parce qu'il a disposé les choses différemment. Par contre, tout ce qu'il a dit, d'après lui, c'est banal. Il a utilisé les mêmes pensées d'une autre manière, en les disposant différemment. Et il dit, m'accuser de ne pas être original, c'est comme m'accuser d'avoir utilisé les mots de tout le monde. Oui, il prend les mots du dictionnaire français. Mais est-ce qu'il ne répond pas à ses détracteurs qui l'accusent d'avoir beaucoup, beaucoup plagié ou s'être inspiré de Montaigne, par exemple? Exactement. Il peut, derrière, il y a l'idée, mais il y a Montaigne, il y a Épictète, il y a plein de choses. Et Pascal se présente même comme celui qui est un petit peu trop quand même, comme celui qui n'aurait jamais rien dit de nouveau, qui serait contenté de mettre les choses différemment. En gros, qui n'aurait qu'une originalité, c'est la disposition. Donc, quand on entend ça, on est vraiment obligé de se préoccuper de la manière dont il plaçait la balle. Alors, bon, il n'y a pas le mot joie. Je n'ai pas oublié votre question. Il n'y a pas le mot joie. Il y a plus de rire qu'on ne pourrait croire. Par exemple, vanité. On comprend a priori vanité comme une de ses entrées déprimantes. Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas, vanité, vanité, tout est vanité, rien ne vaut la peine, à quoi bon, voilà. Condition de l'homme, inconstance, ennui, inquiétude, etc. Voilà. Alors que dans Vanité, le premier texte qu'on trouve dans Vanité... Je l'ai sous les yeux. Deux visages semblables, dont aucun ne fait rire en particulier, font rire ensemble par leur ressemblance. Le premier texte qu'on trouve dans l'As Vanité, c'est un texte sur le rire. Et c'est un texte sur la ressemblance, dont on se demande absolument ce qu'il vient faire dans cette espèce de chemin de dépression qu'on attend de la part de Pascal. Donc, à quoi joue Pascal dans la vanité? Et la démonstration peut se faire, elle est passionnante. On voit que tous les textes de vanité examinent des dysfonctionnements, des manques de cause, des choses qui marchent de travers, mais le résultat, c'est le rire. Et la vanité fait rire. Donc, on pourrait presque dire que l'alias vanité est un recueil d'histoires drôles. On trouve plus loin, oui, si on est trop jeune, on ne juge pas bien, trop vieille, de même. Si on n'y songe pas assez, si on y songe trop, on s'entête et on s'en coiffe. Si on considère son ouvrage incontinent après l'avoir fait, on en est encore tout prévenu. Si trop longtemps après, on n'y entre plus. Ainsi, les tableaux vus de trop loin et de trop près, il n'y a qu'un point indivisible qui soit le véritable lieu, etc. Voilà. Toujours avec ce jeu de regard et de balancement. Voilà. Les petits problèmes aussi de quantification. Un bout de capuchon arme je ne sais plus combien de milliers de moines. Il cherche un point de vue, en fait. Le nez de Cléopâtre. Oui. Le nez de Cléopâtre qui suffit à gouverner l'histoire du monde. Que veut dire Pascal là? Alors, deux choses, sans trop entrer dans les détails. Premièrement, qu'il y a du dysfonctionnement. Alors vous allez me dire, bon ça y est, ça va, on va pouvoir pleurer. Non, parce que c'est du dysfonctionnement qui fait plutôt rire. Comme quelqu'un qui se casse la figure parce qu'il a pas vu où était la porte. Alors, normalement, on devrait le plaindre, mais on ne peut pas s'empêcher de rire. Et toute cette liasse est faite pour rire. Et après, Pascal reprend les mêmes questions, simplement sous un autre regard, qui est misère. Et là, dans misère, il ne s'agit plus du tout de rire, au contraire. Donc là, on aura le Pascal auquel on s'attend. Par exemple, dans Vanité, il y a le problème de ses frontières. Pourquoi me tuez-vous? Quelqu'un qui demande gentiment. Ah mais mon ami, je vous tue parce que vous êtes de l'autre côté. Donc on tue quelqu'un qu'on appelle mon ami. C'est évidemment risible comme situation. C'est la guerre vue comme une absurdité. Comme une absurdité qui mériterait presque qu'on en rit. Mais c'est rire joyeux ou un rire cynique, un rire sarcastique, un rire qui se moque de l'homme? C'est un petit peu vrai que c'est un rire qui sonne peut-être un petit peu, oui, un peu grinçant, je suis d'accord. En tout cas, s'il y a du rire dans Vanité, dans Misère, il n'y en a plus du tout. Mais ce que je voulais dire, parce que j'ai toujours votre question en toile de fond, c'est que il y a deux autres liasses qui vont faire écho à chacune de ces analyses. Une autre liasse pour montrer qu'on pensait que tout était ridicule, mais que non. Il y a beaucoup de raisons dans ces choses qui nous paraissaient illogiques. Et c'est ce que Pascal intitule « raison des effets », qui pour lui est le contraire de vanité. Vanité, c'est absence de cause. Raison des effets, c'est ce qui veut dire présence d'une cause. Donc si la vanité pouvait donner à existentiellement à représenter la misère, la raison des effets va nous diriger vers l'idée d'une grandeur. Donc on ne va pas trouver la joie directement dans ces liasses, mais on va trouver la grandeur. Grandeur de l'homme, grandeur de l'âme humaine, une sorte de célébration de l'homme. Donc quand Voltaire disait, hein, de mémoire, dans ses lettres anglaises, avec j'ose, hein, je prends le parti de l'humanité contre ce misanthrope sublime, hein, bah non, Pascal... Et misanthrope et philanthrope. C'est un philanthrope paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments dans les pensées où Pascal s'extasie devant la grandeur de l'homme, devant la capacité de bonheur qui est la sienne. Et c'est précisément le choc des deux qui va servir à Pascal d'aliment à sa pensée. Et c'est pour ça que je disais, le malheur de faire un Pascal trop sinistre, puisque ça nous fait plaisir et puisqu'on y trouve une forme de jubilation masochiste, pourquoi pas ? Le malheur serait pas très grand, on trouve bien son plaisir littéraire où on veut. Mais le malheur, c'est qu'on simplifie énormément, on appauvrit cette pensée, qui est une pensée du paradoxe permanent, de la contradiction, avec ce texte hein, qui doit être un petit peu dans toutes les mémoires, qui est alors dans une autre liasse, contrariété. S'il se vante, je l'abaisse, s'il s'abaisse, je le vante. Et le contredit toujours. Mais est-ce que le rire ne vient pas de là, précisément, Laurent Thirouin, de ce goût pour la contrariété? Il est bien connu oui. que le paradoxe, la mise en commun oui. de deux opposés, que tout oppose et infiniment oui. opposé, suscite le rire. C'est une des définitions de l'humour. Hein. Oui, il y a ça. Il y a ça, mais il y a aussi le rire du décalage. Il y a cette pensée, on va pas perdre le temps de la trouver, mais de mémoire sur Aristote et Platon, qu'on s'imagine avoir fait très sérieusement leurs lois, hein, leurs politiques, et qui en fait ne l'ont fait qu'en se riant, comme on réglerait un hôpital de fous. Parce que les gens à qui ils parlent se prennent pour. Et donc, il y a une très belle citation dans les provinciales, dans la 11e, me semble-t-il, qui est une provinciale sur le rire, entièrement consacrée au rire. Pascal a été accusé de trop rire. Accusé par les jésuites de se moquer des choses saintes. Il répond, je ne savais pas que les ouvrages des jésuites étaient des choses saintes, mais enfin bon. Et de quoi peut-on rire? Il faut rire. Et à ce moment-là, Pascal cite Tertullien, donc un père de l'Église, un écrivain des tout premiers siècles de l'ère chrétienne. Tertullien dit, rien n'est dû à la vanité que le rire. Quand on est devant la vanité, le vide, l'absence de cause, il faut du rire. C'est l'espèce de réaction saine face à la vanité. Donc oui, un rire qui est un rire qui peut punitif, mais un rire qui est un rire de santé, un rire sain, parce que s'il y a des choses qu'il faut prendre par le rire. Et Pascal est un très très grand rieur. Il se moque, mais surtout, et là où il jubile, c'est pas quand il se moque des gens, ça c'est pas très gentil de se moquer des gens, il le fait parfois. Il le fait sur les jésuites, par exemple, dans les provinciales. Mais là où il jubile, c'est quand il se moque des moqueurs. C'est quand il trouve des gens qui se moquent à mauvais escient, et donc se moque des gens qui se moquent. Mais alors il devient moqueur à son tour. Il est moqueur, mais il est moqueur d'un moqueur. Rire de quelqu'un qui riait mal à propos, c'est un rire qui n'est pas exactement le même que de rire d'un pauvre type qui n'a rien compris. C'est le rire de l'habile et non pas du demi-habile. Voilà, peut-être que le rire est à la mesure du désespoir, en fait. Parce que si on suit l'histoire de la philosophie, ce sont souvent les auteurs les plus désespérés qui rient le plus. Oui. Peut-être pour rire autant ou s'autoriser à rire, ou même éclater de rire ou sourire, hein, selon l'humeur, faut-il partir, avoir pour point de départ cette forme de désespoir ou de néant? C'est vrai. Non, les penseurs de l'absurde sont à la fois très drôles et désespérés. On pense à Kierkegaard derrière, on pense à beaucoup de gens, on pense à Nietzsche aussi, qui se sont référés à Pascal. Alors, il me semble que c'est moins vrai pour Ionesco et Beckett. En tout cas, c'est très vrai pour Nietzsche et Kierkegaard. Oui. Mais il faudrait pas, on est toujours un peu latéral, parce qu'on parle pas de la joie, là, on parle d'éclat de rire, et on a raison de le faire, mais il y a de la place dans la pensée de Pascal pour la joie et pour le souverain bien, ce qu'il appelle le souverain. Alors, on va écouter un texte qui n'est pas issu des pensées, mais qui est un extrait d'une correspondance de Pascal à Charlotte de Roannes, sur la joie précisément, parce que vous verrez là, il emploie le mot joie à plusieurs reprises, et lorsqu'il l'emploie, il l'associe immédiatement à Dieu. La question sera de savoir si, pour Pascal, la joie ne peut venir que de Dieu, ou bien est-ce qu'elle peut émaner aussi d'un caractère, d'un tempérament joyeux. Écoutez cette lettre lue par Nicole Garcia. C'est la joie d'avoir trouvé Dieu qui est le principe de la tristesse de l'avoir offensé, et de tout changement de vie. Celui qui a trouvé le trésor dans un champ en a une telle joie que cette joie, selon Jésus-Christ, lui fait vendre tout ce qu'il a pour l'acheter. Les bienheureux ont cette joie sans aucune tristesse. Les gens du monde ont leur tristesse sans cette joie. Et les chrétiens ont cette joie mêlée de la tristesse d'avoir suivi d'autres plaisirs et de la crainte de la perdre par l'attrait de ces autres plaisirs qui nous tentent sans relâche. Et ainsi, nous devons travailler sans cesse à conserver cette joie qui modère notre crainte et à conserver cette crainte qui modère notre joie. Et selon qu'on se sent trop emporté vers l'un, se pencher vers l'autre pour demeurer debout. Souvenez-vous des biens dans les jours d'affliction et souvenez-vous de l'affliction dans les jours de réjouissance, dit l'Écriture, jusqu'à ce que la promesse que Jésus-Christ nous a faite de rendre sa joie pleine en nous soit accomplie. Ne nous laissons pas abattre à la tristesse et ne croyons pas que la piété ne consiste qu'en une amertume sans consolation. La véritable piété qui ne se trouve parfaite que dans le ciel est si pleine de satisfaction qu'elle en remplit et l'entrée et le progrès et le couronnement. C'est une lumière si éclatante qu'elle rejaillit sur tout ce qui lui appartient. Et s'il y a quelque tristesse mêlée, et surtout à l'entrée, c'est de nous qu'elle vient et non pas de la vertu. Car ce n'est pas l'effet de la piété qui commence d'être en nous, mais de l'impiété qui y est encore. Ôtons l'impiété, et la joie sera sans mélange. Culture, les chemins de la philosophie, c'est un Blaise Pascal joyeux qui nous accompagne ce matin en compagnie du non moins joyeux philosophe, professeur de littérature, Laurent Thiroin, et non pas philosophe, justement, j'ai bien pris soin de vous présenter comme littéraire et non philosophe, même si, bon, les classements perdent leur importance au bout d'un moment. En tout cas, vous présentez ce Pascal joyeux, mais alors, j'aimerais vous poser une question avant qu'on revienne sur ce texte, puisque c'est la question, là. Ce texte implique cette question. Ne faut-il pas distinguer la joie, qui a une dimension parfois solennelle, du fait d'être joyeux, qui au contraire, loin d'être solennel, est plutôt du côté de la légèreté? On peut être joyeux sans être dans la joie, et on peut être connaître la joie d'aimer Dieu sans être joyeux. Peut-être, oui. Peut-être. Je crois qu'on n'est pas obligé, même quand j'essaye de défendre ce matin cette image d'un Pascal joyeux, on n'est pas obligé de se le figurer gambadant, chantonnant. Non, il y a probablement une certaine forme de gravité de Pascal. Il n'y a pas un grand souci de sa part pour les satisfactions futiles, et même parfois une animosité à l'égard de toutes les agréables futilités qui nous gênent un petit peu. C'est pas si mal que ça. Oui, je suis d'accord. Mais je crois que le principe de joie est un principe essentiel. Ça, quand même. C'est il de faut... ça qu'il est question voilà. dans ce texte. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, bon, je vous remercie d'avoir choisi ce texte, et c'est l'occasion de signaler à quel point les lettres à Charlotte de Rouanet sont des lettres magnifiques, hein, les quelques lettres qui ont été adressées par Pascal à la sœur de son très très grand ami, le duc de Rouanet, sœur qui voulait entrer à Port-Royal et dont Pascal a été un petit peu le guide spirituel pendant quelques mois. Et c'est des lettres d'une puissance, d'une intelligence, d'une humanité. Bon, il y a parmi elles la lettre sur le Dieu caché aussi, qui est très très souvent citée. Et donc, on voit bien à quel point il est important pour Pascal que la joie ait sa place dans l'être chrétien. Mais je voudrais dire, à propos de ces distinctions, joie grave, joie futile, plaisir, délectation, bon, on range un petit peu abusivement, un peu rapidement, Pascal, dans la catégorie janséniste. C'est toujours un peu gênant, dans la mesure où déjà, les jansénistes eux-mêmes n'acceptaient pas la catégorie janséniste. Ça veut dire que quand on le classe parmi les jansénistes, on prend déjà le parti de ses adversaires. Voilà. Mais alors, il y a une chose assez amusante, si on accepte la catégorie de janséniste, c'est que parmi les grands ennemis du jansénisme, il y a les jésuites, bien sûr, et puis il y a Fénelon, il y a les quiétistes, il y a tous ceux qui ne supportaient pas le jansénisme, qui ne supportaient pas cette forme d'augustinisme. Alors, ils se croyaient augustiniens aussi, ils se voulaient augustiniens. Et qu'est-ce que Fénelon reproche à Pascal? Le dernier texte que Fénelon, sur son lit de mort, écrivait, c'était un essai de provincial contre les jansénismes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il reproche à Pascal, à Arnaud, à Nicole, de voir du plaisir partout, de tout penser en termes de plaisir? Voilà. D'être comme une espèce de secte du plaisir, de voir de la délectation. Et cette idée de délectation, alors c'est une idée qui vient de saint Augustin, qui a été reprise en effet par Jansénius, de la délectation, délectatio victrix, la délectation qui l'emporte. Donc ce sont des gens qui pensent l'homme comme un être de plaisir, mu par le plaisir. Alors, ça va pas les transformer en grands rigolos, c'est pas ça. Mais ils n'acceptent pas l'idée qu'on pourrait être mu par autre chose que par la recherche de la satisfaction suprême. Après, le débat, ça va être une sorte de hiérarchie des plaisirs. Et Pascal vous répondrait, s'il était à ma place, ce que vous appelez joie ne mérite pas ce terme de joie. Vous pouvez le percevoir comme une joie, mais c'est une fausse joie. Les vraies joies ont une capacité de plénitude que n'ont pas ces petites joies. Et donc, ce qui les intéresse, c'est les plaisirs qui sont des vrais plaisirs. Et il cite toujours une parole de saint Augustin, un passage d'un commentaire de l'Épître aux Galates, hein. On est toujours emporté par son plaisir le plus grand. Quoi qu'on fasse, c'est toujours au nom de son plaisir le plus grand. Bon. Qu'on décide de se livrer à la débauche, ou qu'au contraire, on s'installe dans la chasteté la plus exigeante... C'est une affaire de plaisir. C'est une affaire de plaisir. Mais on note quand même que dans le texte qui a été lu, la joie est associée à Dieu, et surtout la joie ne va pas sans tristesse et pas sans crainte. C'est que la joie doit toujours composer avec son opposé, son contraire. Voilà, voilà, c'est important. Le terme de contrariété est très important pour Pascal. Oui, c'est important, c'est vrai. Et en plus, il y a cette idée d'un cheminement et que l'homme, le chrétien, qui était Pascal, est à mi-chemin. Il est en train d'aller vers une espèce de plénitude de joie qu'il n'a pas encore atteinte. Souvent, on lit des inquiétudes qu'on trouve, par exemple, dans le mémorial. Des espèces d'accents d'inquiétude. On nous dit que les dernières paroles de Pascal ont été « qu'il ne m'abandonne jamais, que je ne sois... que Dieu ne me quitte pas ». Je n'ai plus la parole exacte en tête. La crainte d'être abandonné. On pourrait dire que la crainte d'être abandonné, c'est pas véritablement une joie. Mais c'est en même temps le revers nécessaire, logique, de toute forme d'amour, d'adhésion. C'est-à-dire que dès qu'on a le sentiment d'avoir trouvé un grand bien, d'avoir fait une rencontre qui est une rencontre totalement gratifiante, qui vient d'ailleurs, qui ne vient pas de moi. D'où l'importance de dire « je ne suis pas moi-même la source de cette vie que je découvre ». Je m'ouvre à cette vie, mais elle m'est donnée par le grand autre, elle m'est donnée par Dieu. Donc si ça vient d'ailleurs, ça me fait d'autant plus de joie, ça me donne d'autant plus de joie que ça vient d'ailleurs, mais il y a toujours le risque que ça vienne à défaillir. Ce Dieu qui s'est donné à moi pourrait se retirer. Cette rencontre que j'ai faite, cette personne qui rend ma vie heureuse, on peut transférer ça sur des expériences beaucoup plus quotidiennes, beaucoup plus humaines. Dès qu'on a mis son amour en quelqu'un, on court le risque que si cette personne venait à vous manquer, pour toutes les raisons du monde, qu'elle meure, qu'elle vous trahisse, qu'elle cesse de vous aimer, la dimension joyeuse de l'opération serait moins sensible. Donc, il y a bien sûr une gravité de la joie. C'est une joie. Elle est, plus une joie est importante, plus elle surnage sur un fond de, je ne veux pas dire d'inquiétude, mais de possibilité qu'elle ne soit pas là. Et c'est un petit peu ce qu'on entend dans ce cheminement dont Pascal parle à Charlotte de Rouanet. On est pris entre cette croissance de la joie et ce sentiment qu'il y a toujours en permanence des mouvements, en nous-mêmes d'ailleurs, hein, des mouvements qui vont à l'encontre de cette joie. Le suspense que nous avons entretenu bien à notre insu, hein, Laurent Thirouin, quant au texte de Mémorial est tout à fait légitime et mérité, puisque ce texte est en effet absolument fondateur pour Pascal. Qu'est-ce que c'est que le Mémorial ? Donc le Mémorial, l'histoire est bien connue, c'est alors que le nom même de l'objet est un nom qu'il a fallu trouver, il n'avait pas de nom. Donc c'est le résultat d'une nuit d'expérience que certains ont appelé mystique, que d'autres n'ont pas voulu appeler mystique. En tout cas, le 23 novembre 1654, de 10h30 du soir jusqu'à minuit et demi, Pascal a subitement eu le sentiment que tout ce à quoi il croyait théoriquement, tout ce à quoi il voulait croire, tout ce dont il était convaincu mais dont il ne vivait pas, a pris brusquement une existence, est devenu quelque chose de joyeux. Voilà. Et donc, les premiers mots, c'est feu. Voilà. L'autre manière de le dire, c'est que c'est un soir où il a rencontré Dieu. Voilà, c'est on pourrait dire les choses comme ça. Donc, en tout cas, Pascal, pendant 2 heures, c'est lui qui le dit, a expérimenté une forme de présence pleinement gratifiante, pleinement joyeuse. Et à peine... Ben, les 2 heures étaient-elles passées, qu'il a immédiatement écrit sur un papier un certain nombre de choses. Alors, pourquoi les a-t-il écrites ? Des choses, en tout cas, qu'il voulait garder. Mais plus étrange encore, c'est que quelques temps plus tard, on ne sait pas exactement combien de temps, quelques jours sans doute, il a recopié ce petit papier sur un parchemin, donc quelque chose de beaucoup plus costaud, en corrigeant deux, trois formules, il a mis le papier... relique originelle dans le papier recopié, et il a glissé ça dans la doublure de son pourpoint. Il n'en avait jamais parlé à personne, et c'est à sa mort qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ce dispositif à l'intérieur de sa doublure qui gardait avec lui et qu'il changeait chaque fois qu'il changeait d'habit. Il faisait un peu de couture, donc évidemment les philosophes du 18e se sont tapés sur les cuisses, ce qui montre bien comment un grand homme peut être amené à faire des gamineries, coudre des petits bouts de papier dans les doublures de ses vêtements, c'est navrant. Pour le porter contre son cœur. Alors pourquoi faisait-il cela ? Alors oui, sensiblerie, mèche de cheveux qu'on veut avoir près de soi. Non mais oui, mais l'importance du cœur, oui, Pascal, c'est vrai, c'est par le cœur que nous accédons à Dieu pour lui. Mais je crois qu'il y a très présent, très très très très inscrite dans sa pensée, dans sa sensibilité, l'idée que Dieu relève de l'événement. C'est une vraie personne. Alors, c'est une personne, pas au sens où nous sommes des personnes, mais ça n'est pas une idée, ça n'est pas un système, c'est quelqu'un qui peut être là ou ne pas être là. Et donc, il était important pour lui de garder cette espèce de souvenir. Donc, c'est pour ça que le titre de Mémorial, qui a été donné par Brunswick, en reprenant des termes qui avaient été employés avant, est bien trouvé. C'est-à-dire qu'il gardait contre lui ce sentiment qui avait eu un moment de pleine joie, et que cette joie-là restait une réalité qui pouvait s'estomper par moment et dont il voulait garder véritablement la présence. On écoute le texte ? Oui. Le voici. Lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr et autres martyrologes. veille de Saint Chrysogone et autres. Depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi. Feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ, Deum meum et Deum vestrum. Ton Dieu sera mon Dieu. Oublie du monde et de tout hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, joie, joie, pleure de joie. Je m'en suis séparé. Dereliquerunt me fontem aquae vivae. Mon Dieu, me quitterez-vous? Que je n'en sois pas séparé éternellement. Cette est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié. Que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce. Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Non obliviscar sermones tuos. Amen. Vous écoutez la sonate en la majeure de Scarlatti sur France Culture, les chemins de la philosophie, en sortie de ce texte de Pascal appelé Le Mémorial, lu par le comédien Georges Clès et commenté par vos soins, Laurent Thirouin. Beaucoup de choses à dire sur ce texte, hein, très dense, magnifique. Déjà, puisqu'on parle de la joie aujourd'hui, on aura entendu que dans ce texte, Pascal pleure de joie. Oui. Alors, c'est, bien sûr, ces pleurs de joie ont frappé. Joie, joie, pleurs de joie. Voilà, frappé lecteur. On entend bien la contradiction. Alors, on peut pleurer de joie, mais d'habitude, les pleurs sont plutôt associés à la tristesse qu'à la joie. Et on voit bien dans ce texte un mélange permanent de jubilation et d'inquiétude. Les deux sont tressés. On peut pas les séparer complètement. Il y a des tonalités graves. On pourrait très bien lire ce texte comme le texte d'un angoissé qui aurait peur d'être abandonné, qui ne sait pas de quoi demain sera fait. Et en même temps, on voit alors le mot de joie qui revient à plusieurs reprises. Pascal a énuméré certitude, voilà. Sentiment, joie, paix. Et puis quand il a recopié sur le parchemin, il a mis quelques autres. Il a changé un peu les mots. Pour qu'il y ait plus de joie, il a mis certitude, joie, certitude, sentiment, vue, joie. Il a remis de la joie, comme s'il cherchait. Et pour lui, c'est des mots qui ont quasiment tous le même sens. Et c'est très très important pour le terme sentiment, parce que c'est un mot qui obsède la critique pascalienne, et sur laquelle on dit des choses qui sont parfois contestables. Le sentiment est une forme de savoir qui, pour Pascal, n'est absolument pas humiliante. C'est pas parce que l'homme serait moins capable, c'est pas parce que sa raison serait faible qu'il faudrait qu'il fasse appel au sentiment. C'est-à-dire que c'est là, plutôt au ciel, que nous sachions tout de cette manière-là. Ça serait idéal. Le sentiment pose certains problèmes de communication. On peut difficilement discuter de son sentiment avec un autre. Mais le sentiment est pleinement informateur. Donc le sentiment procure de la joie et procure de la certitude. La voilà. Certitude qui est donnée par le sentiment est une vraie certitude. Parce que la certitude, c'est exactement ce qui lui manque ou ce qu'il manque à l'homme dans les pensées. On lit plus souvent le terme d'incertitude que de certitude. Comme si dans le texte du mémorial, plus encore que la rencontre avec Dieu, c'était le fait de ressentir, puisque vous parlez de sentiment, la certitude qui lui procurait une telle joie. Oui, et vous avez entendu aussi, parce que ça c'est un peu inattendu, cette exclamation « grandeur de l'âme humaine ». On imagine que Pascal est... On comprend très bien que c'est une expérience religieuse. On peut très bien comprendre qu'on soit ou non porté à ce genre d'expérience, on peut très bien comprendre par sympathie cette émotion de type religieuse. Mais ça se manifeste aussi dans ce texte par une sorte de jubilation, j'ai envie de dire, humaine, anthropologique, grandeur de l'âme humaine. C'est-à-dire que de trouver une certitude de type religieux, ça garantit à Pascal que l'homme est quelque chose de grand, que l'âme humaine mérite d'être louée. Et donc c'est cette chose qui nous, dont on a décidé de parler ce matin ensemble, hein, c'est cette chose qui m'a, à mon avis, fait trop défaut dans l'approche que l'on fait des pensées de Pascal, c'est-à-dire qu'on oublie à quel point il est essentiel pour lui que l'homme soit grand. Et sa certitude qui s'exprime au moment du mémorial, hein, le mémorial, c'est un petit peu antérieur à ce que Pascal va rédiger après et qui donneront les pensées. On peut dire que c'est peut-être le mouvement qui a lancé les pensées. C'est même antérieur au provincial, hein. C'est ce qu'on appelle parfois la deuxième conversion de Pascal. Voilà. Mais on voit bien que cette grandeur de l'homme est pas du tout quelque chose d'accessoire. Et même, comme on pourrait le croire en lisant le mémorial, qui n'arrive que quand on est chrétien. C'est quelque chose qui est apposé dès le départ. Et qui devient compréhensible peut-être quand on est chrétien. Mais pour Pascal, dans l'anthropologie de Pascal, l'homme est aussi grand que misérable. Alors ça pour le coup, c'est une hypothèse qui vous appartient, parce qu'on présente toujours Pascal comme étant celui qui brosse un portrait de l'homme miséreux, petit. Et on a entendu des textes cette semaine dans lesquels oui. Pascal, comme à l'aide d'un microscope, regarde l'homme infiniment petit, il va encore plus loin oui. dans l'infiniment petit, et il oui. compare l'homme à un ciron, et il dit, voilà, et dans le tout petit atome qu'on verrait, imaginons encore un autre infiniment petit, eh bien l'homme se trouve tout en bas de cet infiniment petit. Ah non. Et vous nous dites non. Ah non, il n'est pas tout en bas. Non, il n'est pas tout en bas, il est entre les deux. Bah, il est, oui, à la hauteur de l'univers. Alors, non, le problème... Oui, mais il est perdu entre les deux, donc on n'arrive pas à identifier. Il est dans une sorte de disproportion. Bon, mais... Moi, je dirais volontiers que la grande originalité de Pascal, par rapport, par exemple, à un de ses prédécesseurs sur qui il aime bien taper, qui est Charon, les divisions de Charon qui attristent et ennuient, dit Pascal. Sous-entendu, lui ne veut ni attrister ni ennuyer, puisqu'il reproche à Charon d'attrister. Donc, sans doute que ça lui ferait de la peine qu'on le prenne comme un grand sinistre. Hein. Eh bien, chez Charon, il n'y a pas de place pour la grandeur de l'homme. Quand je vois dans la sagesse de Charon la succession des chapitres, on retrouve les mots de Pascal, les mots que reprendra Pascal, hein, vanité, faiblesse, inconstance, misère, présomption. Charon qui a été du gibier de libertins, qui a été très exploité dont, par les libertins du XVIIe, et dont certains pensent que la foi était tout à fait, conjoncturelle. Hein. Eh bien, Charon ne donne pas de place à la grandeur. Donc, ce qui fait l'originalité de Pascal, c'est de mettre de la place pour la grandeur. Et la raison des effets, par exemple, marque la grandeur de l'homme, dit-il dans l'Alias Grandeur, d'avoir su tirer de la concupiscence un si bel ordre. Donc, l'homme de Pascal est un homme à la fois consternant et admirable. Alors pourquoi, selon vous, n'avons-nous retenu de Pascal que celui qui dépeint un homme consternant et non pas un homme admirable ? Il y a des bonnes raisons. Il y a peut-être des raisons de proportion. Je ne me suis pas amusé à le faire, mais peut-être que si on essayait de faire deux parts des pensées de Pascal, qu'on mettait d'un côté tout ce qui est affligeant et de l'autre côté tout ce qui est roboratif, peut-être qu'en volume, l'affliction l'emporterait. Puis aussi parce qu'il y a des très très très beaux textes qui sont des textes très sinistres. Et puis, probablement, encore, parce que il y a une sorte de mouvement, de dynamique qui relèverait plus de la rhétorique, d'ébranlement. Pascal veut secouer l'homme. Il veut le secouer de diverses manières. Il veut le secouer un peu en lui faisant peur. Et on le voit dans une autre liasse qu'il a intitulée Commencement. Donc, ce qui consterne Pascal, c'est les gens qui sont englués dans la futilité. Les gens qui ne se posent aucune question religieuse. Les gens qui n'en ont rien à faire. Ça le met dans un état de détresse, presque. Et alors, cela, il a envie de sortir les armes massives pour les déranger, quoi qu'il en soit. Donc là, il y a un certain nombre de textes que je dirais plus rhétoriques qu'anthropologiques, d'une certaine manière. Plus, qui sont là pour dégager le terrain. Pour faire au moins que la personne soit prête à vous entendre.

avec tout le côté complexe d'Oedipe. Je suis très attaché à ma maman. Est-ce que c'est grave? Combien je dois, docteur? Il y a un petit côté pathétique, non? Non. Ce côté un peu pathétique, tous ceux qui se sont retrouvés un jour pour la première fois dans le bureau d'un psychanalyste ont dû le ressentir. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Et c'est qui lui d'ailleurs? De quel pouvoir ou de quelle autorité est-il vraiment investi? Et puis, une fois que vous avez pris l'habitude, une autre série de questions afflue. Pourquoi il ne dit jamais rien? Mais que se passe-t-il dans sa tête? Il a dit ce truc, ça avait l'air vrai, mais c'est quand même très mystérieux. C'est pour répondre à ces questions et à beaucoup d'autres que Michaël Larivière publie ce mois-ci, aux éditions Libère, son livre « Se dire psychanalyste et croire éventuellement qu'on l'est ». Sous forme de dialogue, Larivière livre un récit autobiographique pudique sur le sens de la psychanalyse, non pas comme appareil théorique, mais comme thérapeutique, sur la place toujours usurpée et toujours incertaine du psychanalyste dont la prière est simple. Je vous en prie, venez, parlez-moi et payez-moi. C'est de cette prière un brin étrange que naît la relation entre le psychanalyste et le psychanalysant, relation dans laquelle Larivière, en tant que thérapeute, trouve satisfaction et réconfort. Au fil des pages, on comprend peu à peu l'intention de l'ouvrage, qui s'impose comme une mise en abîme virtuose, un dialogue intérieur fracturé, une psychanalyse du psychanalyste. Ce faisant, le psychanalysant auto-psychanalysé livre les secrets de la petite chambre divan et des doutes profonds qui peuvent traverser un psychanalyste durant toute sa carrière. Dans des élans d'une très grande honnêteté, il évoque comment le fait de devenir psychanalyste peut souvent être une manière de résister soi-même à l'inconscient, de résister à l'analyse. Comment le fait de se dire, à un moment, psychanalyste, relève d'un éclat narcissique. Et comment le fait de devenir un bon psychanalyste revient à sortir de ce premier moment narcissique et de faire le deuil de soi-même, au profit du psychanalysant. Larivière confesse même que, souvent, le psychanalyste ne sait pas exactement ce qu'il fait, qu'il n'est pas sûr exactement de ce qu'il dit, qu'il tâtonne, qu'il essaye, qu'il invente. Les plus belles pages sont sans nul doute celles sur le désir du psychanalyste que Larivière décrit comme un désir de littérature. Le psychanalyste est celui qui prend au sérieux les choses les plus étranges et les plus intangibles. Par le langage, il s'aventure là où le langage ne peut aller, là où le langage s'arrête. La recherche du psychanalyste, qu'il partage d'ailleurs avec le psychanalysant, c'est la recherche de ceux qui parlent à notre place, de ce que Michon appelle le grand maître, c'est-à-dire la mort. Le psychanalyste n'est pas un bon samaritain. Son cabinet n'est pas un bureau des pleurs. C'est un lieu de rencontre fondé sur le pari d'une confiance risquée. Au fil des questions et des réponses, nourries de magnifiques références philosophiques et littéraires, on découvre peu à peu Larivière lui-même, son parcours, ses doutes, ses peurs, ses fidélités et ses infidélités. Quant à la question de savoir s'il faut défendre à tout prix la psychanalyse, l'auteur répond, je cite, « La psychanalyse n'est faite que pour ceux qu'elle intéresse. Les autres vont ailleurs, et c'est très bien ainsi. » Ainsi, que vous hésitiez à vous allonger sur le divan ou que vous en soyez un grand adepte, procurez-vous l'ouvrage de Michaël Larivière, paru aux éditions Libère, « Se dire psychanalyste et croire éventuellement qu'on l'est ». Merci Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Sharon Oury qui a préparé cette émission avec Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda, Marie Simon, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Florent Bujon qui est à la prise de son aujourd'hui, Nicole Garcia à la lecture des textes, ainsi que Véronique de Saint-Pastou qui nous a aidé à trouver l'archive de Louis Lafuma que vous avez pu entendre aujourd'hui. Véronique travaille à l'INA et c'est la petite fille de Louis Lafuma, qu'elle soit donc remerciée pour ce son inédit que nous avons dû vous donner à entendre. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Profession philosophe, c'est désormais la nouvelle formule des chemins de la philosophie. Demain, nous serons en compagnie d'un grand penseur de notre époque qui réfléchit sur le phénomène de l'accélération du monde. Hartmut Rosa sera mon invité demain à 10h. D'ici là, pour réécouter cette émission ainsi que toute cette série sur Pascal, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.